L'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Non pas Saran. Grève générale. Mais rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au front près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FPP, comme tous les mardis de 19h à 20h30 en direct. Ce soir, il y a Raphaël. Bonsoir. Yasmine. Bonsoir. Et moi-même, Moustapha, avec vous. Du coup, Raphaël, tu peux nous faire un petit topo sur le programme ? Donc voilà, merci d'être avec nous ce soir, comme tous les mardis, sur cette antenne Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Donc c'est pour dire un peu, au fond près du radiateur, donc c'est une émission, pour dire de quoi on parle en général, c'est une émission qui donne la parole aux acteurs des luttes sociales, aux gens qui se battent, aux gens qui lèvent la tête, et qu'on n'entend pas ailleurs. Donc essayer de donner la parole aux gens comme toi et moi, voilà, qu'on peut rencontrer dans les luttes. Et donc ce soir là, pour faire le sommaire de cette émission, on a interviewé des salariés de la FNAC Champs-Élysées, donc qui sont en grève depuis le 3 décembre, en grève illimitée, et qui se battent notamment parce qu'ils ont des conditions de taf de ouf, genre ouvert 7 jours sur 7, avec des amplitudes horaires, ils travaillent jusqu'à minuit le soir et tout, et donc ils veulent juste l'égalité salariale, toucher le même salaire que les autres magasins FNAC dans Paris. Et donc on a cherché à leur donner la parole aussi. Et donc ça, c'est la première partie de cette émission. Donc on va parler de la grève à la FNAC. Et la deuxième partie de cette émission, donc ça sera un entretien qu'on a emprunté à la radio libre qui s'appelle Canal Sud, donc qui est une radio qui se trouve vers Toulouse. Et notamment une émission qu'on aime bien qui s'appelle l'émission Décolonisons, qui est l'émission de l'association Survie, qui a enregistré et diffusé un témoignage qu'on a trouvé très intéressant parce qu'il est rare, c'est une parole qu'on n'entend nulle part. Donc c'est un ancien habitant de l'enclave PK5 à Bangui, donc qui est la capitale de la Centrafrique, la République centrafricaine qui est occupée par l'armée française depuis l'année dernière avec l'occupation Sangaris. Et qui nous parle de la résistance à l'occupation française de la part de la population, donc des manifestations qui ont eu lieu, de l'autodéfense que met en place la population aussi. On cherchait à diffuser ce témoignage, notamment aussi par rapport à tout l'aspect des alliances entre l'armée française et les milices Balaka qui persécutent la minorité musulmane là-bas. Donc voilà, suite à tout ça, il a été forcé d'émigrer en France. Quand tu es menacé avec des FAMAS de l'armée française et des militaires de l'armée française, pendant que les gens de la milice Balaka te découpent en morceaux, c'est assez beaucoup plutôt qu'un petit peu. C'est ça, c'est vraiment, il y a une collaboration entre l'armée française qui s'appuie sur ces milices-là. Et du coup, lui, il a été forcé d'émigrer, de fuir son pays. Et il nous parle aussi des conditions d'accueil en France. Qui pose question, quoi, pour le dire de manière très légère. On va écouter ça tout de suite après une petite pause musicale. Donc vous êtes bien sur FPP 106.3 FM, l'émission Au fond près du radiateur, gardez l'écoute. Vous êtes bien de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19h-20h30, sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, Radio Libre. On est aussi rediffusé tous les vendredis matins, de 7h à 8h30 du matin. Et si vous voulez nous suivre sur Facebook aussi, Au fond près du radiateur, vous pourrez trouver notre page Facebook. Voilà, si vous voulez faire un peu connaître l'émission. Donc là, on va commencer par le premier sujet de cette émission. Donc c'est un reportage qu'on a réalisé la semaine dernière, le 11 janvier, devant le magasin Fnac du 74 avenue des Champs-Élysées. Donc pourquoi on est allé là-bas ? C'est parce que les salariés sont en grève depuis le 3 décembre dernier pour dénoncer notamment les conditions de travail et surtout la manière dont ils sont traités et la manière dont ils sont payés par le groupe Fnac. C'est-à-dire que c'est un magasin, donc, comme je le disais en introduction, qui est vraiment ouvert 7 jours sur 7 avec des amplitudes horaires de ouf jusqu'à minuit et sur l'avenue de Paris qui est la plus fréquentée par les touristes, la plus chère de Paris. Et donc vraiment la Fnac cherche à faire un maximum d'argent avec ce magasin et les salariés en touchent pas vraiment de contrepartie quoi. Donc là c'était pour réclamer l'égalité salariale avec les autres magasins. Donc il y a un piquet de grève qui a lieu tous les jours de 14h à 20h devant le magasin. Les salariés sont en grève reconductible. Il y a une répression de la part de la direction qui est assez forte, notamment le 17 décembre ils ont envoyé des vigiles privés pour en gros casser la gueule aux grévistes. Il y a le numéro 3 de la Fnac aussi qui s'est déplacé pour aller arracher les banderoles, qui a pété un câble. Le cadre de la Fnac, des cadres de la Fnac qui sont venus épaulés par une vingtaine d'agents de sécurité. Il y a des huissiers en permanence qui sont là, qui surveillent les grévistes, etc. Donc voilà, nous, clairement, on se situe de leur côté, on voulait leur donner la parole. On trouve ça important aussi, des gens dans des contextes difficiles comme ça, qui relèvent la tête. Et donc voilà, c'est un entretien avec Baouz, qui est un des délégués du personnel de ce magasin Fnac, et qui est en grève du coup depuis le 3 décembre, et qui nous explique un peu comment ça se passe là-bas. On lui laisse la parole tout de suite, on s'écoute ça fait une quinzaine de minutes. Et on se retrouve tout de suite après, au fond près du radiateur, 106.3 FM, gardez l'écoute. Donc toi tu t'appelles Baouz. Voilà. Donc tu travailles au magasin Fnac des Champs-Élysées. Voilà, depuis 2001 je suis disquaire. D'accord. Et en fait là vous êtes en grève depuis 28 jours. Voilà, depuis le 3 décembre on est en grève. D'accord. Alors, on continue depuis le week-end du 17-18. Okay. Voilà, donc ça fait un petit moment. Grève tous les jours, quoi, illimitée. Exactement, ouais. 7 sur 7, on est toujours là de 14h à 20h. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le mouvement est parti, quelles sont les revendications? Le mouvement est parti tout simplement du fait que de toutes les FNAC parisiennes, on a l'amplitude horaire la plus difficile. Ouais. On est ouvert tous les jours, on est sur les champs. On est ouvert 7 sur 7, de 10h à minuit, de midi à minuit le dimanche. Ça implique pas mal de conséquences dans la vie des salariés, notamment en termes d'amplitude horaire, avec des plannings en dents de scie. Il faut savoir qu'on est ouvert les 52 dimanches, alors que les autres magasins parisiens sont ouverts uniquement 12 dimanches dans l'année. Vous êtes ouvert 52 dimanches ? Nous, on est ouvert les 52 dimanches, et sur ces 52 dimanches, en fait, on a une différence de traitement par rapport aux autres, qui est de 100%, c'est-à-dire qu'eux récupèrent leur dimanche, donc ils sont payés double et récupèrent leur dimanche. D'accord. Ce qui n'est pas le cas sur les champs, donc ça fait une différence importante qui monte jusqu'à plus de 450 euros par mois quand vous travaillez tous les dimanches, ce qui est vraiment important. Donc on fait le même boulot, on travaille à deux stations de métro, deux, et on a une différence de traitement, donc il n'y a pas d'explication de la part de la direction. Ils estiment que du fait qu'on bosse les 52 dimanches, pour nous c'est quelque chose de normal. Donc il n'y a pas que ça, donc faut savoir qu'en 2014, on a pu s'apercevoir de cette différence concrètement sur nos fiches de paye, car la FNAC, en fait, le centre qui gère les payes à la FNAC, a commis une erreur et nous a payé comme les autres magasins. Donc on a pu vraiment s'apercevoir, en regardant nos fiches de paye, l'écart qu'il y avait entre nous et les autres. Donc ça, forcément, ça fait grincer des dents, et encore plus quand au mois de janvier, la FNAC a en fait repris ce qu'ils estimaient comme un trop perçu. Donc okay. Un mois après, ils ont saisi sur les salaires l'intégralité de ce qui avait été trop perçu. Donc ça a déclenché la colère des salariés. Il faut savoir qu'ici, on a des conditions particulières. On est en sous-sol. On n'a pas de prime de sous-sol, alors qu'au Forum des Halles, il y a une prime de sous-sol de 50 euros. On a une prime d'amplitude de 30 euros brut pour un temps plein, pour l'amplitude horaire, ce qui est absolument ridicule au vu des conséquences familiale, santé, en termes d'espérance de vie, la difficulté du boulot. C'est-à-dire que pour les horaires difficiles que vous faites, vous avez une prime qui serait censée en gros compenser tous les désavantages en termes de vie privée, tous les désagréments. Et vous file que 30 euros brut pour un temps plein. Ouais. C'est-à-dire que ici un temps partiel qui va être en 20 heures va toucher la moitié. Donc c'est d'accord. Absolument ridicule. D'accord. Voilà, on est le seul magasin en France et même au monde à avoir, je parle en Fnac, une telle amplitude horaire. Aucun magasin ne fonctionne comme nous. Et on a une différence de traitement, on est vraiment en bas de l'échelle. On a d'accord. fait faire un audit financier par un cabinet d'experts. Il ressort de ce cabinet, de cet audit, que les grilles de salaire à niveau de vendeur égal, ouais. les vendeurs de champs sont les moins payés. Ça veut dire que le salaire plafond à champs correspond au salaire plancher dans les autres magasins. Donc c'est criant, on est vraiment les derniers de la classe surtout. On n'a pas de maintien de salaire à 100% pour les accidents de travail et les congés maternité, pas de prime de sous-sol, les dimanches qui ne sont pas rémunérés, on n'a même pas pu bénéficier des 12 dimanches du maire comme les autres magasins, on n'a vraiment rien. D'accord. Là-dessus, je vais t'expliquer ce qui se passe, c'est que déjà ça a commencé avant la loi Macron. D'accord. Donc le magasin a ouvert en 97, d'accord. et depuis l'ouverture du magasin, on est ouvert tous les dimanches. D'accord. On bénéficiait d'une autorisation préfectorale, comme on est en zone touristique, on avait une autorisation de la préfecture pour ouvrir tous les dimanches. D'accord. En 2009, il y a la loi Maillet qui a été votée. Cette loi, alors sans rentrer dans les détails, mais les deux éléments principaux de cette loi, c'était premièrement le travail du dimanche sur la base du volontariat. Okay. D'accord. Donc ça, à partir de 2009, alors j'ai plus la date exacte de la publication du décret, mais ça s'est fait dans la foulée. Normalement, c'était sur la base du volontariat. Ici, le volontariat, on l'a obtenu parce qu'on a fait grève en janvier 2016. Donc ça te d'accord. donne une idée. Pendant tout ce temps, les salariés ont été obligés de bosser alors qu'ils ne l'étaient pas. Okay. Donc plus de 6 ans. Ensuite, il y a la rémunération du dimanche où la loi Maillet prévoyait paiement double et récupération du dimanche. Chose qu'on n'a jamais, eu. Sachant qu'il n'y a pas d'accord qui a été proposé, normalement, ils auraient dû se mettre en conformité avec la loi en proposant et en se rapprochant des organisations syndicales, en proposant un accord qui encadre le travail du dimanche. Ce qui n'a pas été fait, à l'instar du magasin de la Fnac La Défense, qui a un accord pour le travail du dimanche. Okay. Nous, on n'en a pas. Donc ensuite, il y a eu la loi Macron, qui est passée en 2014. Là encore, la loi n'est pas respectée. Certains points de la loi, notamment, par exemple, sur le travail de soirée. Normalement, quand vous bossez à partir de 21h, quand vous avez fini, l'employeur prend à sa charge le raccompagnement au domicile par un taxi ou un Uber ou peu importe, du salarié à son domicile. Eux, ils limitent à 25 euros avec des forfaits, 25 euros pour Paris et 40 euros pour la banlieue. Mmh. Alors que normalement, la loi est claire, c'est l'employeur la prise en charge, ouais. totale. Mmh. Et eux, ils estiment que non. Ça peut représenter un budget assez énorme si l'employeur ne le prend pas en charge. C'est-à-dire que ça peut représenter des 300 euros par mois pour des gens qui terminent alors, tard et tout. Quoi. Au-delà du budget, c'est aussi, comment ça s'appelle, d'un point de vue pratique et sécurité. Quand vous êtes une femme et que vous bossez à la Fnac des Champs, passer une certaine heure, bah, écoutez, vous n'avez pas forcément envie de rentrer en transport en commun, ce qui peut se comprendre. Et normalement, la loi prévoit justement cet effet que les transports soient pris en charge intégralement. Mais là, encore une fois de plus, c'est pas appliqué. Donc, on est dans un magasin atypique où même les lois de la République ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que c'est un magasin où vraiment ils essaient de pousser la logique, d'exploiter au maximum le magasin, la logique de profit ou quoi, avec des amplitudes horaires très grandes, ouvertes tous les dimanches comme ça, ce que tu disais. Donc c'est le seul magasin Fnac en France et à côté de ça, vous avez des conditions salariales qui sont peut-être les pires parmi les magasins Fnac avec tout ça. Quoi. Alors les conditions salariales, on est donc les derniers de la classe, ouais. comme on a pu le voir sur l'audit. Sur le traitement des dimanches, c'est pareil. Traitement sur l'amplitude horaire, ça... C'est notre difficulté, la difficulté du magasin n'est pas du tout reconnue, enfin, pas avec cette prime ridicule de 30 euros pour un plein temps. Donc voilà, les conditions sont difficiles en magasin et faut savoir que la direction nous a assigné devant le tribunal de grande instance le 20 décembre passé. Par rapport à la grève ? Par rapport à la grève. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a déclenché la grève du coup est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'est toutes les conditions de travail dont tu parles? Comment le mouvement est parti un peu quoi? Chaque année, il y avait un mouvement de grève qui était, l'année dernière c'était le cas, en 2014 aussi, par rapport justement au travail du dimanche et cette d'accord. inégalité. Cette année, on a remis le couvert. Cette fois-ci, le mouvement entre guillemets a duré, s'est durci. Il faut savoir que la direction a fait preuve de méthodes qui sont vraiment des méthodes de voyous. le week-end du 17-18, c'était le week-end le plus important, ils avaient ramené une escouade de sécurité, des types au profil de videurs de boîtes de nuit de 120 kg qui étaient à l'entrée du magasin. Et ces gens-là nous ont agressés physiquement. Il y a un de mes collègues qui a subi un ITT de 6 jours. Donc, en termes de dialogue social, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on a des dirigeants qui nous ont fait une proposition aujourd'hui qui est absolument ridicule. Normalement, une proposition, c'est censé faire avancer les choses et répondre aux demandes qui ont été faites par rapport aux conditions qu'on a. Et ces conditions sont absolument... on se moque du monde. On nous propose de garder ce qu'on a. Voilà. Si ce n'est pas le cas, avec un autre accord, on pourrait perdre déjà ce qu'on a. Donc on a rien et on aura encore moins si on n'accepte pas cette proposition. Donc il est hors de question pour nous, salariés, de l'accepter. Ah, c'est vraiment du mépris, quoi. Là, on est dans le mépris. Le pire, c'est qu'ils se posent en victime dans cette affaire. Ils ont contesté nos droits de grève, donc ils se sont fait justice avant que la décision du tribunal tombe, c'est-à-dire que eux, le 17-18, ils avaient ramené leur escouade de sécurité, ils ont arraché nos banderoles, bousculé des collègues, donc ça a été vraiment en termes de... C'est du jamais vu dans une grève. En arriver là, moi, je veux bien que la justice vous donne raison, mais dans ce cas-là, on attend la décision du tribunal et on s'y plie. Soit vous avez raison, vous avez tort, mais vous ne pouvez pas vous faire justice avant... D'accord. Voilà. Du coup, suite à ça, suite à la présence des vigiles, c'est à ce moment-là que la grève est partie en grève reconductible. Alors, il faut savoir qu'on a une amplitude qui est compliquée, 7 sur 7. C'est pas évident pour tous les salariés de pouvoir tenir d'un point de vue financier. On peut pas la faire et la maintenir sur toute l'amplitude horaire d'ouverture du magasin, c'est-à-dire de 10h à minuit. Okay. Et on a choisi de réduire en faisant 14h-20h. D'accord. Certains soirs, on avait poussé jusqu'à 23h30 les week-ends. D'accord. La direction a tout fait pour que le conflit en fait dégénère, qu'il y ait de la casse et des blessés. Le seul blessé qu'il y a eu à déplorer, il est de notre côté, c'est un salarié. Et nous, on est uniquement là pour revendiquer nos droits. Il n'était pas question, on n'est pas des voyous, on n'a pas saccagé le magasin, on n'a rien fait. Mais apparemment, pour ne pas gêner, pour ne pas déranger et froisser l'image de marque du groupe, il aurait fallu qu'on fasse la grève rue de Ponthieu et que personne ne soit au courant. Donc, rue de Ponthieu, c'est le siège C'est la rue qui est parallèle derrière. En fait, en gros, il aurait fallu qu'on fasse une grève qui ne gêne pas. Okay. Voilà, qu'on les laisse continuer à faire leur business et que nous, on reste à l'écart et qu'on n'embête personne. Okay. Donc on l'entend pas de cette oreille. Okay. Et malgré les tentatives d'intimidation de la direction en ramenant ses gros bras, ils ont vu qu'on était toujours présents et que c'est pas ça qui nous arrêterait. Et du coup, là, vous êtes combien de salariés sur le magasin des Champs ? Alors, faut savoir, avec les cadres, on est à peu près... j'ai pas le chiffre exact, mais alors il y a à peu près 140 salariés, il faut retirer là-dessus une trentaine de cadres. D'accord. Et en tout, sur les grévistes, on est à peu près à cette reliée, ça veut dire des gens qui sont montés au moins une fois, que ce soit sur leur temps de pause ou qui ont débrayé ne serait-ce qu'occasionnellement. Il y a un noyau dur d'à peu près une quinzaine de personnes, et en tout, il y a à peu près plus d'une cinquantaine de grévistes qui se relaient. Il faut savoir qu'on les a assignés au tribunal des prud'hommes, qu'on passera fin février pour discrimination, et qu'il y a 63 salariés qui ont déposé plainte. D'accord. Voilà. Par rapport à l'inégalité de salaire, ça. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'organise la grève au quotidien, un peu raconter qu'est-ce que vous faites les jours de grève? Donc il y a un piquet devant le magasin. Il y a un piquet de grève 74 avenue des Champs-Élysées, c'est ça? Tout à fait. Donc au 74 devant le magasin, il y a un piquet de grève. Alors il faut savoir qu'en termes de logistique, alors on est là de 14h à 20h, mais il y a un gros travail qui est fait avant et après. D'accord. Il y a tous les préparatifs, il faut répondre aux mails, il faut répondre aux sollicitations des journalistes, il faut essayer de trouver des soutiens, que ce soit au niveau politique, au niveau des organisations syndicales. Donc ça demande beaucoup de boulot avant et après. Et après, il y a un débriefing en fonction de l'évolution de la situation. Donc là, pour le moment, c'est le statu quo, mis à part la pseudo-proposition qu'on a reçue aujourd'hui, mais qui n'en est pas une. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. On essaie de se démener dans tous les sens. On a reçu des soutiens. Moi, j'ai eu le soutien, de Madame Marie-Georges Buffet. On a eu le soutien de Sud-Poste. Donc on a des gens qui sont vraiment bougés pour nous et qui trouvent vraiment anormal la situation dans laquelle on est. Et, Voilà, on a limite eu plus de soutien de l'extérieur qu'en interne en FNAC. D'accord. Voilà, je tiens à le préciser. Ok. Et c'est vrai que votre magasin, il est un peu emblématique de ce qu'on veut faire du travail en France, dans le sens, avec la loi Macron, on voudrait étendre un peu ses conditions de travail à énormément de... ou avec la loi travail, c'est ça, augmenter les amplitudes horaires, faire travailler les gens le dimanche, etc. Et du coup, on attendrait peut-être un soutien de tous les élus ou des gens qui se sont prononcés aussi contre ces lois-là, la loi travail, la loi Macron, ce que tu disais, vous essayez de... Moi, je les ai contactés. Je les ai tous contactés. Ouais. Ce qu'on a appelé les députés frondeurs qui faisaient partie de la majorité, je les ai tous contactés, Benoît Hamon. La seule qui m'a répondu, c'est Marie-Georges Buffet. Okay. J'attends des réponses de leur part parce qu'il faut savoir une chose, ça les concerne. On attend des réponses... par rapport à ces problèmes concernant le travail du dimanche. Alors, le souci, c'est que ici, les salariés sont obligés de travailler le dimanche en soirée pour faire une paye correcte. Alors que normalement, okay. Ça ne devrait même pas être le cas. Concernant le travail du dimanche, y a des gens qui bossent. Et le problème, c'est quand on voit les conditions de travail dans lesquelles on est d'un point de vue rémunération, on ne valorise pas le travail. C'est-à-dire que c'est un travail qui est compliqué avec des situations difficiles en termes d'amplitude horaire, de pénibilité, et votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc on s'étonne après qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de bosser, ou que c'est un peu dommage. Ok, si tu veux rajouter quelque chose en 2 minutes, message à faire passer ou... Message à faire passer, on attend un maximum de soutien par rapport à notre situation. On est toujours ouvert au dialogue avec la direction, on est prêt à se mettre autour d'une table pour discuter et trouver un accord où les deux parties s'y retrouveront, pas comme ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. Il faut que les deux parties s'y retrouvent, sinon c'est pas un accord. Je pense que ce qu'on demande, c'est légitime. Ça fait 20 ans qu'ils font des économies sur nos dos. Je pense qu'à un moment donné, on va pas ressasser le passé, on va pas revenir en arrière. Ce qui est fait a été fait, mais si on veut repartir du bon pied et assainir le climat social, je pense que la direction devrait revenir avec de meilleures intentions. Okay. Voilà. Et vous avez une page Facebook aussi, c'est Collectif des salariés grévistes de la FNAC, c'est ça ? Tout à fait, on a créé donc une page Facebook, on a créé une pétition en ligne, okay. On a une pétition sur papier, on a obtenu 6000 signatures, okay. Et on a créé une caisse de soutien aussi, parce que financièrement, il faut pouvoir tenir hein, les 29 jours de grève, d'un point de vue financier, c'est difficile, quand vous n'êtes déjà pas grand-chose, donc on est dans des situations déjà précaires, alors là... Ça va être compliqué à la fin du mois. Ok. Voilà. Et si on veut passer vous voir, c'est 74 avenue des Champs-Élysées. Tout à fait. On est là 14h à 20h. On est là 7 jours sur 7, de 14h à 20h, devant la FNAC des Champs-Élysées. Ok. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Merci. Merci. Rachid ? Le temps de finir le dictionnaire. La musique, c'est éphémère. Ça dure pas. Démocratie a été virée de mon régime. Moi, c'est injuste, mais tout en haut, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Fraternité, depuis tout jeune, c'est mon idée. Car toutes les couleurs de ce monde forment du HD en qualité. La solitude n'est pas le meilleur des chemins. On a 5000 amis, c'est faux, j'en veux juste un qui me tend la main. L'immigration, ça fait pas de mal, en vérité. Le monde est à nous, mon cul a des frontières électrifiées. L'innocence nous rend coupables, évidemment. On sera jugés un par un, surtout sur nos vies d'avant. Insulter, je crois qu'on a su faire le contraire. Faire du mal à une personne nous a jamais rendu fiers. La politique, ça fait 30 ans que ça avance pas. Toutes les promesses non tenues sont déguisées sous un costard. La luxure, aujourd'hui tout est sur mesure. Car tous ces pauvres d'esprit ne seront pas riches de nature. L'humanité perd ses valeurs et sa valise. Personne ne choisit le malheur et ni d'être premier sur la liste. La confiance, on fait le maximum pour la garder. Non, je veux pas d'apartheid, ni de civils bombardés. Menacé, le genre de propos qui fait peur. On s'est divisé tout seul à force d'oublier nos cœurs. La réussite, c'est rien, c'est gagner quelques pions. Je préfère ma planète d'un mec, je m'entends bien avec ta pion. Illusion, grâce à la zig, on est ensemble. Regarde, tes mains toutes propres et d'autres sont dans la cendre. Réfugiés, je crois qu'on est tous concernés. On va tous nous virer un jour sans faire la marche au Pas-de-Calais. La misère a fait son buzz dans tout le globe. Comment voter pour des personnes qui n'ont jamais eu la méthode? Attentat, quand ça pète, on s'y attend pas. On sait que personne n'est à l'abri, même perché au Sri Lanka. Sentimental, au fond on a besoin de ça. Des sentiments, au fond on a besoin de ça. Partagé, donne-moi je te le rendrai. On a tous perdu une fois et réussi le coup d'après. La magie ne fonctionne pas à tous les tours. Le lapin s'est fait la malle car le chapeau avait un trou. Consommer, c'est ce qu'on a fait depuis 100 ans. Aujourd'hui manger ça fait peur, on sait plus trop ce qu'il y a dedans. Sentimental, au fond on a besoin de ça. Des sentiments, au fond on a besoin de ça. Mandico, ça te rappelle un truc comme ça. Entre Robert et la roue, ça fout Rachid, le petit Rapza. Mandico, demi-portion. Mandico, de chez moi. Mandico, bouquet final. Mandico, Mandico, Mandico, Mandico, Mandico. Du coup, vous venez d'écouter un reportage sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FPP, comme tous les mardis de 19h à 20h30. Et toujours en compagnie de Raphaël, Yasmine et Mustapha. Là, on vient d'écouter le son qu'a pris Raphaël sur la lutte de la FNAC des Champs-Élysées. Et en fait, on dit de lutte, je ne sais pas comment dire les choses, mais ils ne sont pas là à réclamer des hausses de salaire ou quoi que ce soit. En fait, ils sont en train de lutter juste pour réclamer ce qu'ils n'ont pas eu. Grosso modo, parce qu'apparemment tu as des gens qui travaillent en cave, donc sans accès à une lumière extérieure du soleil ou quoi, donc toujours avec la lumière des lampes. Travailler en sous-sol, ouais. En sous-sol. Une prime et de sous-sol qui est très faible. De Châtelet, on leur donne 50 euros brut pour un 35 heures, alors que là-bas on leur donne rien en fait. 30 euros. T'as aussi le fait d'une prime de 30 euros qui devrait leur être donnée par rapport à leur amplitude de travail, il me semble, ou l'amplitude d'horaire, pour être exact, de 7 heures du matin à minuit, et qu'ils n'ont pas non plus. Et ensuite, la plupart des autres FNAC parisiennes, elles gagnent de 320 à 480 euros de plus qu'eux par mois, pour des conditions pareilles, lorsqu'ils travaillent le dimanche, et ils demandent de l'égalité, et ils ne l'ont pas. Et la FNAC, bah, on sait ce que c'est. La FNAC, c'est Pinot, c'est pas autre chose. C'est le gars qui a licencié en 2009 400 salariés de la FNAC Bastille et d'autres FNAC également. C'est le mec qui a fait une casse aussi à la Redoute. C'est aussi le mec qui a forcé à déménager la SFL. La SFL, qui était la société qui sous-traitait les demandes de commandes, de traitements et tout ça de la FNAC. Donc les entrepôts de la FNAC, quoi, qui étaient à Saint-Denis. Qui étaient à Saint-Denis, qui ont été réduits à 980 mètres carrés au lieu des 2000 et quelques initiales, où il y a eu un plan de restructuration qui a été fait, et qu'on a forcé de déménager à Vissous dans le 91, alors que les gens habitent le 93. Et ils ont réussi leur casse, en fait, parce que les gens ont lutté à l'époque à la SFL, mais ils n'ont rien obtenu, et le déménagement s'est fait à leur détriment. Et du coup, je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas du tout quoi dire. Bah, on parlait de François Pinault, donc pour dire un peu, pour faire un contraste un peu entre la situation sociale des salariés de là-bas et qui possède un peu l'entreprise. Alors, François Pinault. Leur PDG, comment il s'appelle déjà? Voilà, Alexandre Bompard. Donc on peut commencer par leur PDG. Il a touché 11,6 milliards d'euros en 2015, dernièrement. Mais il gratte plus d'un million et quelques d'euros à la tête de la FNAC, s'il te plaît. Le mec, il n'arrive pas à lâcher juste 50 euros de prime, il n'arrive pas à les lâcher par mois, alors qu'il gratte plus d'un million et quelques. Voilà, c'est indécent. Et quand on parle donc de la FNAC fait partie anciennement du groupe PPL, donc qui était le groupe de François Pinault, Pinault Printemps, PPR, Pinault Printemps, La Redoute. Donc voilà, l'actualité de ce groupe, qui s'appelle maintenant Coring, c'est qu'ils viennent de racheter Darty à 1,2 milliard d'euros. Donc 1,2 milliard d'euros pour racheter une autre entreprise, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils licencient les salariés de la FNAC, ils essaient de faire des économies sur le personnel, mais quand il faut sortir de l'argent, quand il faut sortir 1 milliard d'euros pour racheter Darty, il n'y a pas de souci. Et donc François Pinault, troisième fortune de France, qui est à la tête de ce groupe, il a bâti sa fortune en rachetant des sociétés en faillite, ou des anciennes sociétés publiques qui étaient cédées par l'État, qui lui ont été cédés par l'État à des prix symboliques. Donc ensuite, il rachète ses sociétés, il réalise des plus-values à plusieurs millions d'euros en les revendant, et il constitue son capital de cette manière jusqu'à devenir la troisième fortune de France. Donc ensuite, il est décoré, de chevalier de la Légion d'honneur. Et à côté de ça, pendant 20 ans, il a caché un quart de sa fortune dans des paradis fiscaux pour pas payer l'impôt sur le revenu. Et dernièrement, il rachète le Point aussi, le magazine Le Point, en faisant un montage financier pour pas payer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et après, là, c'est médaille comme ça, chevalier de la Légion d'honneur. Et après, pour dire aussi, le groupe Coring, il possède les magasins du printemps. Il possède Citadium, donc le magasin un peu à la mode qui est à côté. Il possède Gucci, Puma, Yves Saint Laurent. Il possède aussi des palais à Venise, parce que notamment cet homme-là, il aime bien investir dans les œuvres d'art, ce qui permet aussi de ne pas payer d'impôts et cacher son argent. Enfin bon, voilà. Un de ses palais à Venise. Ouais, pour de vrai. Oh, redis, j'ai pas compris. Bah, à l'époque où je travaillais pour une espèce de grand traiteur de luxe qui était Vignon des Marais, je me suis retrouvé dans un de ses palais à Venise à livrer de la bouffe que j'ai ramenée de France, de Paris, tu vois, en camion. Okay. Donc on m'a payé une somme astronomique pour pouvoir me déplacer de Paris et leur apporter de quoi bouffer, avec tout le chichi. Il fallait une table en verre spéciale avec des épis de blé insérés à l'intérieur, il fallait plein de trucs spéciaux de Paris. Et donc voilà, c'était pour présenter un peu le contexte social dans lequel a lieu cette lutte. Donc pour rappeler, vous pouvez apporter votre soutien aux salariés qui sont tous les jours de 14h à 20h devant le magasin, 74 avenue des Champs-Élysées. Il y a aussi la page Facebook collectif des salariés de la FNAC Champs-Élysées. Et on leur apporte tout notre soutien. On continuera à se tenir au courant sur cette lutte. Moustapha, tu veux rajouter quelque chose? Il y a un autre truc que toi, tu nous avais dit, en fait, quand tu avais discuté un petit peu avec eux, parce que c'est toi qui as pris le son, en fait, faut dire. Et du coup, quand tu avais discuté avec eux, ils avaient dit que la direction, elle avait convoqué les grosses centrales syndicales d'autres FNAC, en leur disant que c'était des oufs à la FNAC des Champs-Élysées et tout ça. Et en plus, il y avait une espèce de divergence d'opinion, de lutte, sur le fait du travail du dimanche, où les salariés des Champs-Élysées demandaient juste à gratter plus de thunes, alors qu'eux étaient sur la position de plus travailler sur le dimanche. Mmh. Bah, notamment dans cette émission, au fond, près du radiateur, on avait beaucoup relayé les luttes autour du CLICPAY. Donc le CLICPAY, c'était l'intersyndical du commerce de la région parisienne, donc qui regroupait plusieurs syndicats, et qui a mené des luttes juridiques ou des grèves contre le travail du dimanche sur les Champs-Élysées, notamment au magasin Sephora, ça avait été médiatisé. Et donc, c'est vrai qu'il y a besoin de soutien au magasin en grève, là, de 74 avenue des Champs-Élysées, parce que la direction fait tout pour essayer d'isoler les grévistes, pour pas que la grève s'étende à d'autres magasins, notamment en jouant sur le fait de dire... qu'il n'y a pas vraiment un syndicat qui est à la tête de la grève, c'est un collectif de salariés, tu vois, qui regroupe des gens syndiqués, non syndiqués, des gens de plusieurs syndicats. Donc ils appellent les différents syndicats pour leur dire, les différents délégués centraux des syndicats, pour leur dire oh, les grévistes de la FNAC Champs-Élysées, c'est des oufs et tout, ils sont violents, des trucs comme ça, tu vois. Alors que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est les grévistes, c'est la salariée qui a embauché des vigiles, etc., pour casser la gueule aux grévistes, tu vois. Et donc il retourne le truc, un peu comme quand tu te fais casser la gueule par un flic et le flic va dire c'est lui la victime, tu vois. Enfin bon, pour faire un petit parallèle. Et donc juste pour dire... Là, on est en plein cœur de la dégradation des conditions de travail qu'il va y avoir avec la loi travail, avec le travail du dimanche, avec la loi Macron, avec les zones, la mise en place de zones touristiques internationales qui permet d'ouvrir les magasins de plus en plus le dimanche. Mais en fait, sans contrepartie pour les salariés, tu vois. Et là, c'est des gens qui travaillent déjà tous les dimanches de l'année. Donc suite à des luttes, ils ont réussi à mettre ça sur la base du volontariat, c'est-à-dire que maintenant, avant ils étaient obligés de travailler le dimanche, maintenant c'est ceux qui sont volontaires qui peuvent travailler le dimanche, mais ce qu'ils disent c'est vu nos salaires, on est un peu obligé d'être volontaire pour travailler le dimanche si on veut obtenir un bon salaire, tu vois, donc c'est un peu un système assez vicieux, quoi. Et donc juste enfin voilà, pour dire si on veut lutter contre le travail du dimanche, sur le fait que les gens ont besoin de temps de repos pour être avec leurs amis ou avec leur famille ou pour ou juste pour refuser la précarisation massive avec des horaires de ouf en décalé des salariés dans ce pays, ben voilà, c'est des gens qui sont dans le concret, qui luttent par rapport à tout ça, donc qui ont besoin de soutien, quoi. Et ouais, ce qu'il disait, c'est que tous les députés frondeurs et tout ça qui ont fait semblant de voter contre la loi travail, ben on les voit pas, tu vois. Enfin, au niveau des partis politiques et tout, nous on n'a pas tellement d'illusions, mais ces gens-là, il y a une différence entre ce qu'ils disent et après, quand on demande un soutien réel et tout, ben, ils sont pas là, tu vois. Donc voilà, c'est à nous, toi, moi, les gens à la base, de faire le taf nous-mêmes et d'aller soutenir ces gens-là, quoi, j'ai envie de dire. Oui, oui, t'as raison, il faut les soutenir, bien sûr. Après, moi, je me fais pas d'illusions, hein. Je sais que c'est de pire en pire d'année en année, que ça sera pire, en fait, l'année prochaine, et que... Enfin, je sais pas, on est dans un système où le rendement économique et les surplus en fait de bénéfices, tu peux pas les arracher en... Enfin, il y a de moins en moins de gens qui ont d'argent en fait pour consommer ou pour acheter, mais concrètement. Donc comment tu fais pour que ton chiffre d'affaires augmente ou que tes bénéfices augmentent? T'es obligé de faire sur le fonctionnement. Donc tu comprimes tes frais de fonctionnement. Ça peut être le transport, ça peut être, je sais pas, un loyer moins cher dans un autre endroit ou je sais pas. Mais ceux qui prennent le plus en général, c'est les salariés en fait. Du coup, je sais pas. On voit, il y a des entreprises qui ont signé des accords pour être payées 37 heures en travaillant 39 heures, par exemple. Moi, pour moi, je vois, c'est de pire en pire, en fait. C'est bien d'aller les aider et tout ça. En plus, les gens, ils sont confrontés avec des problèmes au quotidien. Ils ont leur loyer à payer, ils ont peut-être des enfants, ils ont besoin de manger. La plupart des gens, en fait, ils n'ont rien à la fin du mois comme argent. Ils ne peuvent pas mettre de côté. C'est pas comme dans les années 70 où tu mettais des billets de côté et tu pouvais bloquer une entreprise pendant un mois, deux mois, trois mois, rien que sur les réserves que tu avais fait pendant un an ou deux ans. Là, ça marche plus comme ça. Mais du coup, je me dis, je sais pas, hein, peut-être qu'il faudra arrêter de travailler tout court et que tout le monde arrête de travailler tout court, ou la majorité des gens, et qu'ils arrêtent de... Même les politiques, je comprends pas, en fait, pourquoi on attend des députés. Moi, pour moi, je sais pas, on devrait aller prendre des caisses de tomates pourries au marché, et dès qu'il y a les élections, et dès que les militants ou les partis politiques qui pointent du nez, il faudrait leur balancer des tomates pourries dans la... Non, mais pour de vrai, hein. Moi, je serais plus tenant d'un député ou un maire, ça se prend par les cheveux et ça se cogne par terre. Non, mais ces gens-là devraient avoir honte de sortir chez eux. Mais je te jure que c'est vrai. Ils devraient avoir honte de sortir chez eux. Ils devraient même pas pouvoir sortir chez eux. Ils devraient raser les murs, en fait. Le problème, c'est qu'ils sortent la tête haute et t'as toujours des trous de balles, en fait, pour les soutenir. Pour dire, oui, normalement, il a le droit, lui, sur la République ou quoi. Ben, en fait, je m'en bats les couilles. Et sérieux, c'est des gens, ils devraient pas pouvoir sortir la tête haute. Tu vois, rien que Saint-Denis. Moi, je vis à Saint-Denis, tu vis à Saint-Denis. Toi aussi, Yasmine, tu connais Saint-Denis. Je sais pas, le maire qui s'auto-augmente lui-même pour plafonner avant de démissionner, s'il te plaît, avec son Laurent Russoli, là où je sais plus comment il s'appelle, la Carrie, qui est une pourriture finie. Des maires adjoints qui s'auto-augmentent parce qu'ils ont perdu leur mandat en cotonnal, tout ça. En fait, ces gens-là, quand ils viennent te draguer, te séduire, genre comme si t'étais quelqu'un qu'il fallait séduire ou draguer, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour leur oseille, en fait. Ils viennent te gratter pour gratter leur oseille. Et tous les petits militants à deux balles qui viennent, ils viennent pourquoi? Ils savent qu'ils ne vont pas gratter l'oseille. Ils ne vont pas avoir un salaire de maire adjoint, quoi. En bas, il y a des militants, ils peuvent être sincères, mais en réalité, ils taffent pour ça. Mais ils viennent gratter pourquoi? Pour avoir un appart sûr ou un petit poste sûr. Ou un truc. Non, mais la vérité, il faut arrêter de tourner autour du pot. C'est ça le problème. Dans nos quartiers, dans nos villes, c'est quoi le problème? C'est que toi, tu as un frère, ou là, l'autre, il a un frère, ou là, il a un pote qui a grandi, qui est là, qui a coquiné avec la mairie et qui croit encore que c'est un petit malin qui a réussi à gratter, alors qu'il enfonce le clou encore pire que les autres. Faut arrêter, faut les haggard tous, en fait. Dès que tu les vois dans la rue, faut les insulter, leur jeter des tomates pourries, les prendre par les cheveux, leur éclater la tête, parce que c'est ce qu'ils méritent. Les polices municipales en France, c'est devenu des polices privées politiques. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est toutes des polices privées politiques maintenant. La majorité, ils la servent. Ils donnent leur cul encore plus. Que ce soit des policiers municipaux d'origine africaine, musulmane ou ce qu'on veut, c'est que des petites pourritures finies, des petites frappes qui sont là pour gratter un salaire, un petit poste pépère, et qui font du zèle même des fois. Oh là, ils font du zèle des fois, des trucs de malade. Comment tu vas chasser des gens qui essayent de vendre des brochettes à 1 euro, s'il te plaît? Comment t'arrives à te mettre accroupi, t'es à quatre pattes, à marcher pour surprendre un vendeur de Bottes de persil, s'il te plaît. Le mec, il te vend 3 bottes de persil à 1 euro et t'as des policiers municipaux qui avancent à 4 pattes et qui se cachent, qui font des tracteurs, comme dans les films. C'est pour ça que je te dis, ils attendent des députés qui ont voté pour la loi. Ils devraient pas attendre dehors. En fait, quand ils croisent un député dans la rue, ils devraient lui fracasser le crâne par terre. C'est tout. Non, mais la vérité, franchement. Et de toute façon, c'est comme ça que ça va finir un de ces quatre. C'est pas pour rien que l'armée, elle se déplace dans nos villes. C'est pas pour rien qu'ils font des contingents de militaires de 6-7 personnes. T'as l'impression que quand ils se déplacent dans la ville, ils sont dans un territoire occupé, t'es à l'étranger. Ils sont en période de conquête, donc on a peur des gens qui habitent là. Donc on se met à 6 et on s'éparpille. Wesh, tu trouves des militaires à la sortie de tes lycées, à la sortie de tes collèges. Et comme le disait... moi, j'ai déjà écouté le reportage sur la Centrafrique et, du mec qui témoigne, en fait. Donc j'anticipe un petit truc que j'ai déjà écouté. Quand t'écoutes le reportage du mec qui te dit, quand tu vois des militaires français qui sont chez toi, dans ton pays, qui te braque avec des FAMAS et qui fait que la milice Balaka arrive, te découpe en morceaux, prend tes biens, viole ta femme, tue tes gosses et tout ça. Comment tu veux pas avoir la haine? Comment tu peux pas être séduit par des idées extrémistes ou tout ce qu'on veut ou la terroriste? Comment t'as pas envie de te mettre une bombe sur toi et d'aller sauter au milieu de la population française qui se dit républicaine, démocratique, on vante, on est gentil? T'es obligé de péter un câble en fait dans ta tête, t'es obligé d'avoir la haine, tu peux pas avoir autre chose. Et nous on est des pourritures aussi les Français, mais des grosses pourritures finies. Pourquoi? Parce qu'on fait rien. On a notre petit confort, on est dedans, on le lâche pas, et on prie Dieu pour que ça dure toute notre vie, et on s'en fout de nos gosses en fait. Nos gosses, ils les ont pas, on en a rien à branler. Parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas de gosses. Le peu qu'a des gosses, il trime, il ferme sa gueule et il essaye d'avancer. On est une bande d'hypocrites, en fait. Je suis là, j'ai hors sujet totalement. J'assume et je suis désolé, mais franchement, j'ai un petit peu... Bah, ça commence à introduire le deuxième sujet de cette émission, mais juste avant de faire une petite pause musicale et de passer au prochain sujet, juste pour rappeler, on disait notamment que voilà, fallait pas vraiment attendre du soutien des institutions ou des députés ou des machins, fallait compter sur nous-mêmes. Pour rappeler qu'il y a une caisse de grève qui a été mise en place aussi par les salariés de la FNAC, vous pouvez retrouver le lien sur vous pouvez donner en ligne si vous avez envie, si votre situation le permet et tout ça. Vous pouvez soutenir les salariés en ligne sur sur le Facebook collectif salariés FNAC Champs-Élysées. Donc voilà, ça fait un mois qu'ils sont en grève, donc d'où l'importance de mettre en place une caisse de grève et aussi dans les lieux de travail de mettre en place des caisses de grève de manière pas préventive, mais anticipée, quoi. De mettre en place des caisses de grève où les salariés donnent chaque mois un peu. Et le jour où vraiment il y a un problème, bah, t'as ta caisse de grève de côté qui te permet de tenir 2 mois, 3 mois en grève, tu vois. Et puis tu dis bien au patron, regarde, notre caisse de grève, bah, elle est pleine. Et donc, voilà, c'est un moyen de pression aussi, tu vois. Et c'est un truc qui est abandonné un peu par les syndicats. C'est assez rare, la mise en place de caisses de grève comme ça. Donc, voilà, on voulait aussi rappeler cette initiative. Donc, tout de suite, on se fait une petite pause musicale. Au fond, près du radiateur, FPP 106.3 FM. Gardez l'écoute. Down in Mexico. Mexico. She threw her arms around my neck. In Mexico. We started dancing all around the floor. In Mexico. And then she did a dance I never saw before. So if you saw her from the water, Chuba, I mean a down. Rebonsoir, on est toujours avec Raphaël et Mustapha et moi-même, Yasmine. L'émission au fond près du radiateur, 106.3.fpp, tous les mardis de 19h à 20h30 en direct. Du coup, on va parler de la deuxième partie de cette émission. Donc, comme on vous le disait en intro, en fait, on voulait vous rediffuser un reportage qui était réalisé par l'émission Décolonisons sur la radio Canal Sud, donc qui se trouve, c'est une radio libre qui se trouve vers Toulouse. Et comme on vous le disait, c'est un entretien avec un ancien habitant de l'enclave PK5 à Bengui. Donc il fait partie de la minorité musulmane en Centrafrique. Bengui, la capitale de la Centrafrique. Et du coup, qui nous apporte son témoignage sur ce que c'est la vie là-bas depuis l'opération Sangaris, c'est l'occupation militaire française, comment les gens se battent contre ça. Et lui, il a été forcé aussi d'émigrer en France suite à la situation là-bas en Centrafrique, et il nous parle un peu de l'accueil qui lui est fait là-bas. Donc on s'écoute ça. Ouais, on s'écoute le son et après on en parle. Vas-y, ça marche. Donc on s'écoute ça tout de suite. Ça fait une 15-20 minutes comme ça. Et on revient ensuite sur FPP 106.3 FM. Bonne écoute. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Décolonisons sur Canal Sud 92.2. Et on va enchaîner sur une des interventions françaises, une des interventions militaires françaises en Afrique très récente, celle en Centrafrique. En fait, on a rencontré quelqu'un qu'on va présenter sous le nom de Yerima, qui souhaite pas vraiment apparaître publiquement parce que ça peut lui amener des soucis. Il est réfugié en France. Donc voilà, donc c'est une petite un petit entretien qu'on a fait avec lui où il raconte la réalité de ce qu'il a vécu en Centrafrique pendant l'intervention française. Donc qui s'appelle Sangaris. Vous entendrez peut-être parler de Bangui, qui est la capitale de la Centrafrique. Puis vous l'entendrez aussi raconter comment y a des gens en Centrafrique qui ont organisé la résistance contre cette intervention, enfin des manifestations. Et puis aussi, il parle un peu de son accueil en France et de la manière dont il le perçoit. Voilà, on vous laisse avec Yerima. J'ai fui la guerre en Centrafrique. Et là, je me suis réfugié en France. Là où je te parle, là, présentement, j'ai du mal à rejoindre ma famille. Il y a mes parents, on est dispersés comme ça, un peu partout dans la nature. J'ai du problème même à voir la famille, et pas moi seul. Il y a plusieurs Centrafricains. La Centrafrique a une population de 4 500 000 habitants, dont on trouve 10% ou 10 à 15% des musulmans. Les musulmans vivent beaucoup de marginalisation et quoi. On les considère toujours comme des étrangers, ainsi de suite. Donc, par rapport à cette marginalisation, il y a une rébellion qui s'est créée, qui s'appelle Séléka. Séléka, c'est-à-dire une coalition en sango, en langue sango, qui a été mise en place. Donc, maintenant, la France a intervenu pour chasser le président musulman là, et ouais le président Diotto Dia, il a été chassé par la France. Et après, c'est quoi, il y a une communauté musulmane centrafricaine, et à travers cette rébellion il y a des mercenaires, certains mercenaires qui viennent du Tchad et du Soudan. Donc au lieu de désarmer, au lieu de protéger la population minoritaire, maintenant, ce que fait l'intervention Sangari, c'est quoi? Ils viennent chez toi, dans ta maison, avec ta famille, avec devant ta boutique ou quoi. Ils viennent avec un groupe de milices chrétiennes qui s'appelle Balaka. Ils viennent, il y a l'armée avec des chars, ils viennent devant ta maison. Et maintenant, tu n'as pas les droits de te défendre. Si tu te défends, c'est eux-mêmes qui te mettent leur FAMAS là, devant toi. Donc, tu es obligé de rester comme ça. Maintenant, on te découpe en morceaux. On te découpe en morceaux. On casse ta maison. On pille toutes tes richesses. Et c'est comme ça, quoi. On a perdu toutes nos maisons. On a perdu toutes nos richesses. L'élevage qu'on a. Tout a été pillé. Et tout ça, c'est à cause de cette intervention. Et la maintenant, cette intervention a créé une haine, quoi, envers les Français, tous les Français. Donc, l'armée française utilise ces milices-là pour leur montrer là où se trouve la Seleka. Vous voyez? Or, ces milices-là, ils sont malins. Ils viennent montrer les commerçants, les grands commerçants musulmans centrafricains, et ils montrent là où ceux qui ont de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'ils font après avoir détruit tous ces musulmans et leurs biens? Maintenant, ils montrent même les tous musulmans, quoi. Ils disent non, celui-là c'est le cas, celui-là c'est le cas. Je suis au l'enclave musulman. Au PK5. Au PK5, à l'enclave musulmane. Il y a l'air char là vient. Un jour, j'ai vécu à une situation terrible. Tu peux raconter ça? Ouais, si tu veux. Parce que nous sommes protégés par les contingents burundais. Okay. Au niveau du commissariat du 3e arrondissement. Un jour, il y a les contingents de la Sangaris qui sont venus. Et derrière, il y a les Balaka. Avec leurs machettes, avec leurs armes. Ils sont venus derrière. Donc, leur stratégie, c'est quoi? C'est de mettre les deux communautés en face pour s'entretuer. Maintenant, il y a les contingents burundais qui sont là, comme protecteurs de cette minorité-là. Ils ont dit à l'armée française, non, il faut que vous partez. On n'a pas besoin de vous. Ça, c'est notre zone. Et même, l'autre, là, c'est Nations Unies aussi nous a dit de protéger cette minorité. Parce que je t'ai dit, là où je t'ai dit, là, on est resté moins de 1000 personnes dans cette enclave. Moins de 1000 personnes. 1000 personnes. Moins de 1000 personnes dans cette enclave. Donc, il y a un tiraillement entre les contingents burundais et l'armée française. Et là, maintenant, nous étions en colère. Nous aussi, nous sommes sortis en groupe. On dit, bon, ou soit vous partez, ou soit vous nous tuez. Et par ici, on a des leaders qui ont appelé même l'ambassadeur pour dire que voilà, il y a l'armée française qui est venue encore avec les Balaka. Et ils disent qu'ils sont là aussi pour nous protéger. Or, nous, on ne veut pas d'eux. Là où ils viennent, là, c'est catastrophique. Parce que je reviens un peu sur l'exemple. Miskine, là, il y a un arrondissement, Miskine. Cet arrondissement-là, ça c'est après PK5, c'est Miskine qu'on trouve une majorité musulmane. Vraiment, à travers cette intervention là, celui qui a été tué, celui qui a été fui, et il reste 14 personnes. Moi et quelques groupes, on est au nombre de 6 personnes, parce que c'est proche de PK5. On est au nombre de 5, on est allé voir ces compatriotes-là. On était là-bas, on a trouvé 14 personnes. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré l'autre jour. 14 personnes-là, ils attendent leur mort, je te dis. J'ai du mal, vraiment. C'est-à-dire 14 personnes, il y en a qui ont des machettes, qui ont des arcs-là, pour se protéger. Ils tremblaient, quoi, 14 personnes. Parce qu'ils ont, il reste quelques maisons. Ils disent, ils peuvent pas y aller, laisser leurs maisons et leurs biens. Ça, c'est un Miskine. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Taha. Ce jeune homme-là, lui aussi, donc lui qui cherche, il nous a dit vraiment, là, nous, on peut résister, mais on a un problème. On n'a pas à manger, on n'a pas à quoi. On dit, il n'y a pas de quoi. Moi, personnellement, avec un grand, On est revenu au PK5, on a pris des riz, des pains, on a pris beaucoup de trucs à manger, on les a donnés. Et on leur a dit, bon, si vous voyez que vraiment ça là c'est très risquant, vaut mieux abandonner et revenir vers nous au PK5. Il a dit non, bon, on va voir demain jusqu'à après-demain si la situation ne change pas. Et si l'armée française vient là directement, il y a le Balaka. Et le lendemain, il y a Balaka qui sont venus. Les Balaka qui sont venus, et lui, il est sorti. Il y a quelques têtes là, ils ont un Kalachnikov en train de se défendre. Directement, l'armée française a tiré ces jeunes hommes-là. Il a été abattu par l'armée française. Maintenant, on a reçu un téléphone. Par son téléphone, on a reçu l'appel. On pensait que c'est lui qui appelait pour nous rejoindre, pour prendre ces gens-là pour rejoindre le PKC. Or, il y a un jeune qui nous appelle avec son numéro, dit que voilà, Taha est abattu par l'armée française. On a pris un véhicule de PK5 pour aller, parce que c'est pas long, quoi. Ça fait presque, de PK5 vers eux, là, ça fait presque 500 mètres. Et en allant, on a vu son corps avec les, et c'est fini. Miskine est tombé. Et personnellement, j'ai un cousin, j'ai sa photo. J'ai sa photo. Si tu vas là-bas, je te montre. Il a été abattu par lui aussi. Ils sont au nombre de 5. Et ça, c'est mon cousin qui a été tué par l'armée française. Il y a le bal. J'ai sa photo. Je peux te le montrer. C'est des gens qui se défendaient aussi. Oui, qui se défendent en autodéfense la nuit. Or, ils ont bu. L'armée française a bu. Ils sont là parce qu'il y a, l'autodéfense. Mm-hmm. On est obligé de se former en autodéfense. Et c'est à partir de 1h du matin ou 24h fort. Que la sangarise est venue. Maintenant, là, les jeunes se disent, mais à quoi, on ne veut pas de vous, il faut que vous y allez. Parce que là où vous venez, vous nous amenez le Balaka, et nous, on ne veut pas. Quoi. Maintenant, et les autres sont en train de regarder la vidéo, quoi. Ils ont mis des cassettes, tu vois, pour perdre du temps, pour ne pas dormir, ou quoi. Et altercation, directement, là, il y a l'un de l'armée là à ouvrir le feu. Il a tué cinq jeunes musulmans. Ça c'est pareil, tout ça c'est au début de Sangaris. Ça c'est vers la fin. Vers la fin. Ouais, ouais, fin 2014. L'histoire là, c'est fin. Ce que je t'ai expliqué avant là, c'est vers décembre jusqu'à décembre 2013 jusqu'à 2014. Okay. Au début. Et à notre grande surprise, il n'y a aucun média qui parle de ça, ni la télé. Bon. On a fait une manifestation avec des visibilités contre cette intervention. Et après même, il y a l'ambassadeur de France qui a vu ça. Il a envoyé des personnes pour dire non, c'est pas bien de marquer des trucs contre non à la France, non quoi. Il est venu d'une manière stratégique pour dire que non, ça c'est pas bon, parce que la photo dont je t'avais montré là, ça c'est un personnage qui s'appelle Kudukou. Il est ancien combattant. Il a combattu à la guerre d'Indochine avec la France. Donc l'ambassadeur a dit non, c'est pas bien de faire des trucs sur ça, c'est un symbole c'est un centrafricain qui a marqué l'histoire. Il faut pas. Une place, ouais, Carrefour, quoi. Mmh. Ah, c'était la statue, là, ouais. Ouais, le statue, là, ouais. C'est pas bien, là, vous dénigrez l'image de cette personne. Quoi. Or, c'est un centrafricain, on ne voit pas les mal. S'il s'agit de les ridiculiser ou quoi, c'est à nous, les centrafricains. Et même que ce soit la rébellion, cette crise, c'est une crise, bien sûr. C'est une crise entre nous, centrafricanos, centrafricains. Pourquoi cette ingérence de la France pour encourager cette guerre? On a organisé une manifestation de PK5 pour aller devant la mission des Nations Unies en Centrafrique, contre la France aussi. Cette manifestation est entourée par tous les médias français. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu même pas une petite information. Du coup, sur la manifestation, tu dis qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu du monde. Il y a du monde. Sauf ceux qui restent de ne pas nous rejoindre à la manifestation à l'enclave kilomètre 5, c'est les jeunes qui nous défendaient en autodéfense. Uh-huh. C'est là ils prennent la sécurité. Mmh. On ne sait pas ce qui va se passer. Mmh. C'est là ils nous sécurisent et avec même les quelques rares femmes, des enfants, des femmes, ils nous rejoignent. On est tous ensemble. Il y a l'hélicoptère français qui est, comment dirais-je, à 10 mètres de nos têtes pour nous influencer de ne pas aller, de ne pas dire non à la France. Bah, on sent même jusqu'à... On sent comment le vent de l'hélicoptère là, nous repousse. Mais on dit non, soit qu'ils nous tirent dessus, soit qu'on continue. Et là, ils ont vu que vraiment, il y a une détermination. L'hélicoptère nous a accompagnés jusqu'à... Il nous a influencé, quoi, jusqu'à devant les Nations Unies. Et après, c'était parti. Et là, nous sommes en France, on est en train encore de nous maltraiter. C'est comme si dans l'administration française, on nous maltraite, effectivement, on nous maltraite. À la préfecture, ça c'est récent. Je suis allé à la préfecture pour retirer une carte de séjour. Il y a une dame qui nous a dit, non, il faut faire la queue, on a fait la queue. Arrivé devant elle, elle dit, non, c'est pas ici, allez de l'autre côté. On était de l'autre côté, celle de là-bas, elle nous a dit, faire la queue, on a fait la queue. Arrivé devant elle, elle dit, non, c'est pas ici, allez. Dégagez-vous d'ici, allez. Vraiment, c'est une humiliation totale, une humiliation. Or, si c'est pas l'intervention de leur pays, je ne serais pas ici. Et je ne vois pas pourquoi... Moi, je n'ai jamais sorti de mon pays. Depuis ma naissance, je n'ai jamais sorti. Je gère mes affaires tranquillement et je suis là, tranquille, avec ma famille ou quoi. Et c'est la France qui a fait aujourd'hui, on est dispersés. Et le contraire, et chez eux, ils sont tranquilles. Tu vois, la famille française sont tranquilles, ils sont chez eux, leurs enfants vont à l'école, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nos enfants sont un peu partout, en train de mourir, des maladies, de quoi. On n'a pas de maison, on n'a pas de quoi à faire. Et ils nous maltraitent encore en plus. Nous sommes sous la colonisation, toujours colonisés. Nous sommes dominés chez nous. Nous sommes dominés chez nous, nous sommes dominés dans le monde. Pourquoi tout ça? Et une fois arrivés ici, ils nous maltraitent. Hein? Ils nous prennent comme des mendiants, comme des personnes qui viennent chercher leur vie. Mais notre vie est là-bas. On a construit notre vie là-bas et c'est eux qui détruisent notre vie là-bas. Il faut qu'ils s'arrêtent avec la guerre. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais en Centrafrique, tout Centrafricain, s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas un seul Centrafricain qui ose sortir de la Centrafrique. Vraiment. Ça, moi, je le sais. Mais c'est eux qui font la guerre là-bas et ils ne veulent pas les gens viennent chez eux. Il faut qu'ils s'arrêtent avec la guerre. La guerre des dominations. Voilà, la guerre de domination de la France en Centrafrique et dans bien d'autres endroits sur le continent et ailleurs, dont on parle régulièrement dans cette émission. Donc c'était la voix de Yerima, qui est migrant centrafricain en France. Vous pouvez retrouver un écrit de cet entretien dans le dernier billet d'Afrique. Et il y a d'autres écrits dont Daniel veut nous parler d'ailleurs autour de la Centrafrique. Oui, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cet entretien parce que j'ai trouvé un livre qui est paru en 2015, assez récemment, publié avec l'appui d'Amnesty International. C'est une bande dessinée et c'est très intéressant que ce soit une bande dessinée parce que ça aide pour nous qui connaissons, enfin en tout cas je parle pour moi, qui ne connaît pas la Centrafrique et qui a des difficultés à imaginer le pays, le fait que ce soit une bande dessinée fait que je commence à avoir une représentation des scènes et du coup je pense que ça m'aidera à bien comprendre. Donc cette bande dessinée, en fait c'est un documentaire, hein, c'est un documentaire et un témoignage. Ça s'appelle « Tempête sur Bangui ». Elle est de Didier Kassai, coédité par La Boîte à Bulles et Amnesty International. C'est intéressant aussi parce que celui qui écrit cette bande dessinée est un témoin. On le comprend dans les dédicaces de la dernière page, il a perdu son frère et sa mère a fait face au soldat qui avait tué ce fils. Et il parle des mêmes événements que cet entretien, mais un peu plus tôt, avec une population à Bangui qui vit paisiblement, et, ou à peu près, et les premiers de la Séléka qui arrivent dans la ville. Et ce qui est représenté là, c'est vraiment qu'ils sèment la terreur et qu'ils tuent et qu'ils pillent sans discrimination. C'est vraiment la violence qui entre dans la ville d'une façon terrible. Et ce qu'on pressent, c'est qu'on aura énormément de mal à s'en sortir. Alors, avec cette entrée de la Séléka dans Bangui, le président François Bozizé, installé par la France une dizaine d'années avant, est obligé de fuir. Et le choix qui est fait actuellement serait de faire dire le droit, c'est-à-dire de lutter contre l'impunité. Ça paraît très compliqué. Mais ce qu'on pressent dans ce livre, c'est que la guerre a créer des discriminations religieuses et augmenter les violences donc entre chrétiens et musulmans. Et aussi, on sent que ça va être terriblement difficile, mais c'est une bande dessinée que j'ai trouvé intéressante, un documentaire que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il permet de commencer à se poser des questions pour aller plus loin. On sent que c'est très très complexe. Voilà, donc je vous recommande de vous intéresser à la Centrafrique avec cet entretien et avec Tempête sur Bangui de Didier Kassaé. Alors, juste merci Daniel. Du coup, on redit peut-être pour mieux comprendre peut-être ce qui s'est dit avant. Donc la Séléka, c'est une coalition de groupes armés qui ont pris le pouvoir militairement en 2013. Les Balaka, dont il a été question aussi dans l'entretien, ce sont des milices, en réalité plutôt des anciennes forces armées centrafricaines liées à l'ancien régime, qui elles ont ciblé spécifiquement par contre les musulmans. Et donc Yerima raconte bien comment ça s'est passé, puisque en fait il y a eu un désarmement à sens unique de la part de la France de ces différentes milices, et qui n'a désarmé que les Séléka et donc les autres non. Et il raconte comment voilà les Balaka, ces milices plutôt chrétiennes, sont retrouvées à aller faire la chasse aux musulmans dans tous les quartiers de Centrafrique. Voilà, et donc c'est une histoire qui paraît compliquée, tout simplement parce qu'elle est mal couverte par les médias français, qui se font le relais relativement docile de la communication de l'armée française là-dessus. On vous renvoie aussi à un livre écrit et publié, coédité par Survie aux éditions Agone, Centrafrique, un destin volé, histoire d'une domination française. Voilà, l'auteur est d'ailleurs un peu en tournée dans toute la France, il est déjà passé à Toulouse, mais si vous êtes ailleurs, peut-être que vous aurez la chance de le rencontrer. Voilà, c'est toujours Décolonisons sur Canal Sud 92.2. Vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est l'émission Au fond près du radiateur. Comme tous les mardis de 19h à 20h30, on est toujours en compagnie de Mustapha et Yasmine. Et vous venez d'écouter un reportage donc, qu'on a récupéré sur la radio Canal Sud, donc il y a une radio libre qui se trouve à Toulouse, et c'était l'émission Décolonisons qui a enregistré le témoignage de Yerima, donc, qui était commerçant à Bangui en Centrafrique et qui témoigne un peu de la situation là-bas. On les remercie d'avoir pu nous permettre d'accéder à ce témoignage, quoi, et on les salue au passage. Donc aussi pour signaler que l'association Survie, qui anime l'émission Décolonisons, vient de sortir une brochure que vous pouvez trouver sur leur site survie.org, qui fait le bilan un peu de toutes les, ce qu'on appelle les, entre guillemets, opérations extérieures de la France en Afrique, donc qui sont en gros les guerres coloniales ou néocoloniales françaises en Afrique, si on évite la langue de bois, quoi. Et cette brochure, on vous invite à la lire, donc c'est toute une série d'analyses sur ce que cherche à faire la France là-bas pour maintenir son influence et celle de ses entreprises en Afrique, quoi. La tradition Focard, donc, était Monsieur Afrique de Gaulle, notamment. De Gaulle, Pompidou, Giscard. Il en a passé des administrations républicaines. Ah ouais, au fait, je voulais dire, évidemment, il y a d'autres solutions que la violence par rapport à tout à l'heure. En fait, je me suis refroidi pendant le reportage et tout ça, parce que le témoignage du mec, quand même, il est assez poignant. Quand je dis que tu peux mettre une ceinture et que tu peux comprendre que quelqu'un se mette une ceinture explosive pour aller s'exposer comme si c'était un terroriste, évidemment, il faut comprendre la situation de la personne qui le fait quand elle est dans une situation où on te découpe en morceaux, toi et les tiens, et qu'on viole ta femme, qu'on viole tes enfants. Donc évidemment qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce genre de pensée, même s'il existe d'autres solutions. Et moi, je suis capable de le comprendre, en fait. Je ne vais pas me voiler la face en disant non, je ne comprends pas pourquoi il y a des actes terroristes. Je comprends très bien pourquoi il y en a. Et cette situation, elle n'est pas que en Centrafrique. Elle est aussi bien en Irak, qu'en Palestine, qu'en Syrie. En fait, dans tous les pays où t'as les armées européennes et américaines qui viennent, ou même soviétiques, russes maintenant, ou ce qu'on veut, qui viennent et qui foutent le bordel, il est normal que des gens là-bas pètent un câble, en fait. Surtout que nous, on a la prétention, l'arrogance de dire qu'on est une démocratie républicaine, patati, on choisit quoi ? On choisit des tueurs à la tête de nos présidences et de nos administrations politiques qui vont assassiner des gens. Il y a je sais plus qui avait recensé le nombre d'assassinats qu'il y a eu en Afrique politique, par la Grande-Bretagne et la France, une cinquantaine. On a assassiné des chefs d'État en exercice, ou des leaders d'opposition. On les a ciblés, assassinés, eux et leurs familles. On a participé. On peut parler de Thomas Sankara ou Lumumba, pour en citer juste deux. Lumumba, mais on peut en parler de plein. Ça va de l'époque coloniale des années 60-70 jusqu'à cette époque pseudo de pays pseudo libérés, alors qu'en fait ils sont toujours colonisés avec les mêmes pourris à leur tête, qui servent de relais à la France ou à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ou en fait de relais aux riches, tout simplement. Et du coup, je voulais dire que oui, c'est pas la solution. Faut pas aller mettre une ceinture et s'exposer, évidemment. Et tout ça, voilà. Je voulais juste de dire, voilà, il y a une situation, par exemple, en Centrafrique, une situation de guerre civile ou proche de guerre civile. Ensuite, l'armée française intervient au lieu de calmer les choses. Déjà, on se demande ce qu'ils viennent faire là-bas. L'armée centrafricaine ne se permet pas d'intervenir en Corse quand les gens s'entretuent, tu vois, ou quand il y a... Quand il y a de l'islamophobie qui se développe non plus, tu vois. On ne se permet pas de venir pour donner des leçons de démocratie, de tolérance et de liberté aux Français non plus, tu vois. Et à savoir que la République centrafricaine, elle a connu un gros mégalo qui était Bokassa. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean Bedel Bokassa, qui s'était nommé empereur. Le gars, il s'est nommé empereur d'un petit pays en Afrique. La République centrafricaine, en fait, elle fait partie de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, d'avant. Et à l'époque des luttes de libération, en fait, il y avait pas mal d'Africains, subsahariens et même nord-africains, qui voulaient créer une espèce de gros ensemble politique, multiculturel et multicommunautaire, de peuples en Afrique, mais qui a été scié à la base par la France, en fait. Elle a shooté et elle a tué la plupart des gens qui proposaient cette idée-là pour mettre en place des petits pays à deux balles, qui dépendent du français CFA, pour la plupart, et qui a créé ces problèmes. Et ensuite, t'as eu une espèce de coup d'État qui a été fait par le général François Bozizé en 2003, en fait. Et du coup, t'as des gens, ça leur rappelle plus, ils ont créé une coalition qui s'appelait la coalition Séléka, qui regroupait différentes personnes, dont des musulmans, mais aussi des chrétiens et des athées. Mais il se trouve que cette coalition, pour pouvoir pratiquer la lutte armée, elle a embauché pas mal de mercenaires, qui étaient essentiellement originaires du Tchad et du Soudan, et essentiellement musulmans, qui ont commis des tas d'exactions contre la population. Du coup, t'as l'opération Sangaris qui a été déclenchée avec la bénédiction de l'ONU et patati, patata et tout ça. Mais en fait, pour dire les choses vraiment, l'armée française a commis des exactions là-bas, ou les a accompagnés, ou les a incités, ou les a protégés, ou tu parles le silence, en fait. Donc que ça soit les Séléka ou les Balakan maintenant, ou l'armée française, c'est tous des pourritures. Et actuellement, en fait, la chasse aux Séléka sert de prétexte à la chasse aux musulmans. T'as des milices Balaka qui arrivent. Au début, on s'attaquait aux musulmans riches et on leur prenait leurs biens et tout ça, on les foutait à la rue et leur commerce. Maintenant, on s'en prend aux pauvres ou aux riches, peu importe. Et à savoir aussi qu'en Afrique, quand tu discutes avec la plupart des gens qui viennent d'Afrique et qui t'en parlent, la plupart des imams ou des prêtres ou des pasteurs ou de tout ce que tu veux, c'est tous des relais du pouvoir et c'est tous des pourritures pour la plupart d'entre eux, en fait. Pas autre chose. Mais ça veut pas dire que c'est la religion qui est pourrie, en fait. Ça veut juste dire que tu sois imam ou pas, ou rabbin ou ce que tu veux, bah, là-bas, t'es un relais. Mais que les athées aussi ont leur imam et leur rabbin et leur prêtre et tout ça qui servent de relais et qui sont vraiment des enfoirés de première aussi. Hein. C'est pas genre la religion, c'est à cause de la religion ou pas du tout. C'est à cause de cette saloperie de fric, de désir du pouvoir et du désir de dominer les autres au détriment de certains. Pourquoi, tu vois, il y a une milice qui commence à faire n'importe quoi et pourquoi la Centrafrique, ils sont pas capables de régler le problème eux-mêmes? Et pourquoi on dit qu'il faut qu'une puissance étrangère elle intervienne? Genre là, dans l'intro de ce bouquin, ils disent notamment tu sais, la colonisation belge et française dans le bassin du Congo, ils ont complètement mis en place le travail forcé, dépeuplé la région, tu vois, notamment avec le caoutchouc. Et en 1950, ils disent la Centrafrique, il comptait 1 300 000 habitants. Tu vois, ils mettent des chiffres sur le fait que depuis les années 50, l'État... Enfin, ils ont complètement pillé cet État et du coup, quel moyen tu veux mettre? C'est à l'instar, à l'image de la plupart des autres États qui ont été littéralement pillés, en fait, par leurs dirigeants ou leur élite bourgeoise ou par les pays extérieurs. Regarde le Mali, s'il te plaît. C'est un truc de ouf, que ça soit pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, tout ce que tu veux. Les gens, ils sont crachés dessus en France, mais crachés dessus. On leur manque de respect de ouf en France. Et t'as les gouvernements algériens, marocains, maliens, tout ce que tu veux, ils ferment leur gueule. C'est pas des gens qui ont de la fierté ou de l'orgueil ou quoi que ce soit, ces gens-là. C'est vraiment des merdes finies, en fait. Parce qu'ils auraient un minimum d'orgueil. Ils rappelleraient leurs ambassadeurs. L'Algérie, elle disait à la France, ah ouais, bah tu vois le gaz et le pétrole qu'on a là, ça y est, c'est fini, oublie. Mais je te jure que le lendemain, la France a changé sa politique, les médias, il n'y a même plus d'islamophobie, au contraire, les musulmans, ils sont super chouettes. C'est ce qui changerait dans les trucs. Mais comme aussi nous, quand je te dis nous, là, c'est que je me situe en tant qu'arabo-berbère, africain, tout ce que tu veux, patati, patati, c'est que nous aussi, on n'a pas de dignité ni d'honneur, en fait. On fait rien. Quand tu regardes le gouvernement chinois, quoi qu'on pense du gouvernement chinois, il a quand même convoqué Sarkozy, qui était président à l'époque. Il l'a convoqué quand il a fait la chasse aux sans-papiers chinois. Je ne sais pas si tu t'imagines le délire. Le président français, et ça, les partis racistes, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que le FN, il est comme tous les autres partis, en fait. Il est avide d'argent et il sait très bien qui a l'argent et qui est puissant ou pas. La République chinoise est puissante, donc elle est respectable. Les républiques algériennes ou les monarchies constitutionnelles, entre guillemets, marocaines ou ce que tu veux, c'est des merdes, en fait. Qui n'ont même pas le respect d'eux-mêmes et ni le respect des gens. Il y a, je sais pas combien de gens issus de l'immigration algérienne, marocaine, tunisienne et autres. Et on n'arrive même pas à dire aux Français, allez vous faire foutre. On n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à agir. Parce qu'on a des pourritures à la tête de ces gouvernements qui sont des pourritures finies, en fait. Il n'y a pas autre chose. Et ça, franchement, c'est un truc de ouf. Regarde au Mali. T'interviews des Maliens, t'arrives à trouver des Maliens au Mali qui se disent, oui, c'est très bien que l'armée française soit là. Les Maliens, ils sont crachés dessus tous les jours en France. Tous les jours, on leur crache dessus, on leur vomit du racisme, de la haine anti-musulmane, tous les jours. Au Mali, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait travailler en esclavage des gens dans les mines d'or, dans les mines d'uranium et autres. Et pourtant, tu trouves des Maliens qui applaudissent. C'est un truc de malade. Alors que normalement, ils devraient jeter des... Pareil, que ici, ils devraient jeter des tomates pourries sur les journalistes français quand ils viennent les voir, en leur disant « vous êtes des racistes », et des tomates pourries aussi sur leur politique. Du coup, il nous reste 5 minutes d'émission. On voulait faire un petit agenda en fin d'émission pour rappeler un peu les rendez-vous militants des prochains jours et prochaines semaines. Mais juste avant, on voulait vous rappeler, si vous voulez approfondir le sujet sur la situation en Centrafrique. Déjà, donc, l'émission Décolonisons sur Canal Sud. Vous pouvez retrouver les podcasts sur le site de Canal Sud, donc Radio Toulousaine. On remercie aussi l'association Survie qui a un site internet et un Facebook, donc survie.org. Vous pouvez retrouver de nombreuses analyses, notamment dernièrement une brochure qui vient de sortir sur toutes les guerres auxquelles participe la France en Afrique, que ce soit Côte d'Ivoire, Mali, Sahel, Centrafrique, Libye, une analyse depuis 2011 sur sur ce qu'a fait la France là-bas. Ça, vous pouvez retrouver sur le site de survie.org. Vous pouvez aussi vous abonner à leur journal qui s'appelle Billets d'Afrique, donc qui paraît tous les mois. Vous pouvez vous abonner pour 20 euros l'année, je crois. Voilà, donc Billets d'Afrique. Et puis, on voulait signaler aussi le livre de Yanis Thomas qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Centrafrique, un destin volé, histoire d'une domination française, et donc qui est un... Donc, tout un dossier sur l'histoire de ce pays et comment la France et la Belgique, notamment, ont pillé ce pays depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, un très bon bouquin, très bien documenté, qu'on vous conseille, Yanis Thomas, Centrafrique, un destin volé. Voilà, il nous reste 5 minutes d'émission. Donc, pour rappeler un petit peu les prochaines dates, Moustapha, Yasmine, si vous avez... Le 19 de janvier, qui est assez chargé, tu vois. Tu as la solidarité avec Gildo. C'est par rapport à... Gildo, ouais, qui est un des syndicalistes qui a été arrêté dans le cadre de la loi travail, notamment au moment de la mise en place du 49-3, quand la loi travail a été imposée à l'Assemblée avec le 49-3, qui avait un rassemblement devant l'Assemblée nationale et qu'ils ont arrêté de nombreuses personnes, dont Gildo. Et du coup, il y a une solidarité qui se met en place avec un rassemblement et qui a lieu jeudi 19 janvier, donc à partir de 8h30, devant le tribunal de Paris à Métro Cité, en fait. Et toujours ce même genre, en fait, t'as encore deux autres trucs qui ont un impact sur nos vies et qui sont assez importants pour moi. T'as la grève et la manifestation sur les ZEP, en fait, les lycées d'éducation prioritaire en lutte, donc c'est touche pas à ma ZEP. Et du coup, le 19 janvier, pareil, t'as la mobilisation qui continue et tout ça. Et on peut trouver ça sur Sud Éducation et on peut trouver sur Demosphère les infos. Et après, t'as quelqu'un qui est en détention à Fleury, en fait. Il s'est fait arrêter en Bretagne et qui est passé direct devant la 23e chambre du palais de justice de Paris et qui est accusé de dégradation sur un pôle emploi et sur une structure de la chambre de commerce et d'industrie ainsi que d'un franprix et d'un concessionnaire Jaguar lors de la manif sauvage qui s'était déroulée le 14 avril entre le 10e et le 19e arrondissement. Et du coup, il y a un procès qui a lieu le 19 janvier à 13h30 dans la chambre numéro 23 du palais de justice de Paris. Donc vous pouvez être nombreux à être là-bas, ce serait cool. Voilà. Et vous avez d'autres dates ou quoi? Éventuellement, il y a d'autres dates, ouais. Il y a celle qu'organise les unités CGT, en fait, par rapport à la loi travail, et qui organise une espèce de gros meeting au gymnase Japy. À la fin du mois de janvier, je crois que c'est le 30 ou le 31 janvier. Après, tu as le centre social de la Tieké aussi, qui est sous menace d'expulsion. Donc, si vous avez envie de venir participer aux permanences, aux ateliers, aux AG et tout, vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez vous tenir au courant sur le Facebook Centre social autogéré à Tieké. Donc, voilà, qui est un lieu militant à Saint-Denis et aussi un lieu d'habitation où il y a 40 personnes qui vont être mises à la rue par le tribunal d'instance de Saint-Denis en plein hiver. La parole errante aussi, qui va bientôt disparaître en fait en tant que parole errante. Et du coup, je crois qu'eux, ils font des réunions tous les mercredis, il me semble. Je ne sais plus à quelle heure, sur Montreuil. Vous pouvez aller sur leur Facebook ou sur leur site également et voir. Je sais qu'en semaine, ils font une réunion qui est assez libre où tout le monde peut venir. Vous pouvez trouver les infos sur La Parole Errante demain. Donc voilà, La Parole Errante, grande salle militante et de concert. Et lieu culturel aussi indépendant qui se trouve à Croix-de-Chabot sur Montreuil. Le département ou la région cherche à remplacer ça par un lieu culturel aseptisé un peu quoi et mettre fin à cette salle. Voilà. Aussi pour dire le samedi 21, donc il y a un repas à la rôtisserie, donc qui est un restaurant associatif qui se trouve 4 rue Jean et Marie Moinon, métro Colonel Fabien, donc près de Belleville. C'est un restaurant associatif, là il y aura une soirée tacos solidaires au restaurant combatif La Nouvelle Rôtisserie par rapport à la question des disparitions forcées au Mexique. C'est pour soutenir le projet d'exposition du sculpteur mexicain Alfredo López Casanova, Pala de la Memoria, un projet artistique autour des disparitions au Mexique de 70 à maintenant, et qui met en œuvre une démarche participative, genre sculpteur récolte en fait les chaussures de ceux qui cherchent un disparu, gardant ainsi une trace du combat pour les familles que mènent les familles au quotidien dans le contexte d'une crise de disparition qui ne cesse de s'accentuer de jour en jour. En fait. Donc samedi 21 janvier à 19h à la Nouvelle Rôtisserie 4 rue Jean et Marie Moinon, métro Colonel Fabien. Donc voilà, c'est la fin de cette émission au fond près du radiateur 106.3 FM. Nous on se retrouve mardi prochain à 19h sur cette antenne de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou alors le vendredi matin pour la rediff 7h, 8h30 du mat. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On salue tous ceux qui n'étaient pas là ce soir, les membres de l'émission, Yano, Tom, Mouloud, Robinson, Jean et tous ceux qui nous écoutent, on vous remercie. Et gardez l'écoute et tout de suite vous retrouvez la pêche. Vous retrouvez l'émission Dooboot. Attends, je le refais. Tout de suite, vous retrouvez l'émission Dooboot. On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.